Le groupe de solidarité russe avec la République populaire démocratique de Corée a présenté le 23 septembre dans son page d'internet plus de 20 tableaux de peinture représentant les exploits immortels de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise. L'Institut du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme et l'Association d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme de Rostov, Russie, ont exposé aussi dans leur page d'internet les tableaux de peinture représentant Madame Kim.